بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ومن هؤلاء الذين ابتلوا ابتلاء عظيما الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه. مظلوم ضرب، ما حمله ذلك الضرب الذي هو السجن الذي حصل لأن يخرجوا؟ هؤلاء يقولون بخلق القرآن، هؤلاء كفار، هؤلاء ظلمونا، أخذوا حقنا، جوعونا. ما قال هذا؟ هذا الإمام أحمد، إمام الزهد، إمام السنة، إمام هدى في زمانه، يصبر على الفقر، كان في شدة من الفقر والله، يصبر على الضرب، يصبر على السجن، يصبر على الأذى، يصبر على كلمة الحق. يريدون أن ينصروه، يريدون أن يقولوا نخرج، قال لا أبدا لا أرى ذلك. قال الإمام علي ابن المديني رحمة الله عليه: أعز الله عز وجل الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. Cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في ذكر محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أطلق عليه وخرج من السجن رحمة الله عليه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: سمعت أبا زرعة يقول، أي ينقل، اختصرنا نحن السند، أما الإمام الذهبي لا رنكونتري أبو زرعة. أبو زرعة يقول رحمه الله: دعا المعتصم أحمد ثم قال للناس: تعرفونه؟ قالوا: نعم، هو أحمد بن حنبل. قال: فانظروا إليه، أليس هو صحيح البدن؟ Quand Al-Mu'tasim a pris la décision de libérer l'imam Ahmed rahimahullah, il a rassemblé des personnes et il leur a montré un imam Ahmed, il est en bonne santé malgré la torture. لكن سيأتي كلام الذهبي أن المعتصم رحمة الله عليه il avait peur que العوام يخرجون عليه après ce qu'il a fait à l'imam Ahmed. قالوا نعم هو أحمد بن حنبل. قال فانظروا إليه ليس هو صحيح البدن. قالوا نعم. قال أبو زرعة: لما قال سلمته إليكم صحيح البدن هدأ الناس. نعم. قال الذهبي، أي les gens ils se sont calmés بعد ذلك. قال الذهبي: ما قال هذا، أي المعتصم، مع تمكنه في الخلافة وشجاعته، إلا عن أمر كبير. المعتصم هو الخليفة، بتعلمون أن الخليفة إلى ذا قوة، تمكن، قدرة، كذلك إلى معروف الشجاعة، إلى ذا كوراج. مع هذا إلى أبلجي دو ديمونتري أو جون أن الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى أون بون سانتي، أي لا با توي، إلى فيفون. قال الإمام الذهبي: ما قال هذا إلا عن أمر كبير. ما هو هذا الأمر؟ قال رحمه الله: كأنه خاف أن يموت من الضرب. نعم، لأن الإمام أحمد il était blessé quand il leur a dit هل هو صحيح البدن، ça veut pas dire qu'il avait rien، il était pas blessé là، لكن il est vivant. أما tout le monde sait que l'imam Ahmed il a été fouetté. قال: كأنه خاف أن يموت من الضرب، أي أحمد، فتخرج عليه العامة، ولو خرج عليه أو خرجت عليه، أو قال: ولو خرج عليه عامة بغداد لربما عجز عنهم. صحيح، تمكن من الله، Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé hadha l'imam. Hatta ce amir, avec la quwwa qu'il avait, shaja'a wa tamakkun, il a été obligé de se justifier et de démontrer que l'imam Ahmed, il est vivant. لأنه كأنه خاف من خروج العوام عليه. يتقدم معنا أن ils ont pas exécuté l'imam Ahmed بفضل الله عز وجل أولا ثم بسبب هذا أنهم الأمير ومن معه ils avaient peur que si l'imam Ahmed meurt العوام يخرجون عليه. نصر من الله رجل واحد. Ça nous démontre أن celui qui est مع الحق فالله سبحانه وتعالى معه يحفظ الله يحفظك. الإمام أحمد il a fait des efforts, il a patienté, il était véridique بإذن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى النصر ولو il était seul. كم من الناس ils ont des personnes avec eux, ربما جيوش, ربما أسلحة, ربما أموال, رجال إلى آخره, et ils n'ont pas le نصر. Ils n'ont pas le نصر. لأن النصر إلى من عند الله. فالسلوي كيف النصر في مسألة ما دائما يرجع الدليل يسكرش الدليل بإذن الله عز وجل إلى منصور في الدنيا قبل الآخرة. قال صالح رحمه الله قال فخلي عنه أي الإمام أحمد رحمة الله عليه الآن إلى ليبو. قال فصار إلى المنزل إلى غبن شلوي قال فجيء برجل ممن يبصر الضرب والعلاج. صالح لفيز الإمام أحمد يراكم أنه quand il est rentré chez lui ils ont appelé une personne qui avait du علم, un docteur par rapport aux blessures de l'imam Ahmed. فقال أي هذا الطبيب قال قد رأيت من ضرب ألف صوت ما رأيت ضربا مثل هذا. Ce docteur témoigne أنه il a vu des personnes qu'ils ont reçu plus de 1000 coups de fouet et ils n'avaient pas les traces, les blessures de l'imam Ahmed. الضرب que l'imam Ahmed il a reçu comme تقدم il était شديد جدا. قال ولم يزل يتوجع من مواضع منه أي الإمام أحمد وكان أثر الضرب بينا في ظهره إلى أن توفي. نعم, il ressentait des douleurs رحمة الله عليه et il avait les traces, il avait les séquelles jusqu'à qu'il est mort rahmatullah alayh. Il se plaignait souvent yadkurun son dos khassatan rahimahullah. Tout ça fi sabilillah. Ça nous montre que la personne est patiente. L'épreuve elle est passée. Al-Imam Ahmed la shak wa la ray, c'était dur, c'était pas facile. Qillat al-nawm, qillat al-akl, al-sijn, al-dharb, il voit plus sa famille, il est accusé, il est insulté, tout ça c'est pas facile. Lakin al-fitna tamur. Les fitna, les fitans, ça reste pas. Innama al-usri yusra. Avec le sabr al-an, kam min talabat al-ilm, bel kam min ulama. Ils lisent cette biographie de l'imam Ahmed, cette épreuve, et yastafidouna minha. Qala al-imam al-zahabi, wa balagana anna al-mu'tasim nadima. Naam, hada mashhur anha. Il a été rapporté dans plusieurs ouvrages en Al-Mu'tasim. Après tout ce qui s'est passé, il a regretté. Rahimahullah. Qala Ahmed, kullu man dhakarani fa fi hil illa mubtadi'a. Al-Imam Ahmed, rahmatullah alayhi, il a pardonné à tous ceux qui lui ont fait du mal. Tous ceux qui l'ont emprisonné, ceux qui l'ont fouetté, ceux qui l'ont accusé, il leur a tous pardonné, rahmatullah alayhi. Illa mubtadi'a. Sauf Al-Mubtadi'a ka Ahmed ibn Abi Duwad Al-Jahmi Al-Munharif, il lui a pas pardonné. Limadha? Li'annahu ikumba al-aqida bi'inad. Amma mitl al-Mu'tasim, mitl rubama ceux qui ont donné les coups de foi, c'est des personnes, ils sont hawl al-mal. C'est pas des personnes qui faisaient ça en aqida, ils suivent le qawm. Ils ont trouvé un qawm qu'on appelait à ça et ils ont suivi. Fa l'imam Ahmed mitl hawla, il leur pardonne. Al-awam al-juhal. أما المبتدع كي كومبا بعناد بعلم يبي يفير دو مال الدين هذا هؤلاء اللغة بابردون. قال وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم أي أمير المؤمنين قال في حل ثم ذكر قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الإمام أحمد يسقبله دو سوفيرس أي pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ Est-ce que t'aimerais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne? الجزاء من جنس العمل. Celui qui pardonne aux autres, tant que ça fait pas du mal au din, bien sûr. أما مبتدع منحرف في combat de din, il veut faire du mal au din. هذا منهج السلف il est معروف. أنهم ils le combattent بالعلم والحجة. أما مثل العوام المساكين أو une personne t'a fait du mal, il regrette. أو اجتهد أو أخطأ أو حصل ما حصل العفو الطيب. Et c'est une des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il élève l'abd. لأن العفو ça fait partie de التواضع. Ceux qui pardonnent pas en général ils ont du kibr. أما les personnes modestes elles pardonnent et Allah subhanahu wa ta'ala il les élève. Et ça démontre كذلك أن l'imam Ahmed il a pas fait ça pour son nefs, tout ce qui s'est passé là, toute cette passion. Il aurait fait ça pour son nefs, il aurait pas pu pardonner. لأن ils ont fait du mal à son nefs. لكن vu rahmatullah alayhi son but c'était nasr din illah azza wa jal, quand le din il a été secouru, il avait plus aucun intérêt d'en vouloir à fulan. Elle l'aura pardonné rahmatullah alayhi. C'est une sifa tayyiba jiddan, et elle a rapport avec l'ikhlas comme on vient de citer. Mais celui qui défend son nefs yat'ab, si une personne elle touche à son nefs, il se mettra en colère, il pardonnera pas à la personne, elle s'habitue à hada. Elle s'habitue à hada, il ne mélange pas les choses de din avec les choses personnelles, avec les choses de dunya. Din, c'est din. Et hadi al-masail qu'on a étudié, cette épreuve que l'imam Ahmed il a subie, ce n'est pas pour dunya, ce n'est pas parce qu'il était riche, ou parce qu'il avait un mulk, ou parce qu'il avait des suiveurs. Abadan. Illa pour l'aqid. Fa rahmatullah alayh, il a patienté. Il a patienté avec l'aqid al-sahih. Il a patienté avec l'ilm. Qala الإمام أحمد ما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سببك. هكذا قال الإمام أحمد. الإمام أحمد il a dit qu'est-ce que je vais gagner si Allah subhanahu wa ta'ala il châtie ce muslim à cause de moi, qu'est-ce que je vais gagner. صحيح. الإمام أحمد بإذن الله عز وجل il est من أهل الخير والصلاح, il a patienté, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a élevé. S'il ne pardonne pas à fulan et cette personne elle se fait châtier, qu'est-ce qu'il va gagner l'imam Ahmed? Il ne va rien gagner. فَلِهَذَا قَالَ مَا يَنْفَعُكْ أَنْ يُعَذِّبُ اللَّهُ أَخَاكَ الْمُسْلِمِ فِي سَبَبِكْ أي بسببك. صحيح. La personne il réfléchit à هكذا. Tout ça on répète أنه c'est celui qui fait les choses لله عز وجل. هذا لأنه il voit le مصلحة et il pense à son frère, ou alors il lui a fait du tort, il lui pardonne. Et ce frère il revient à la tariq al-mustaqim, bi'idhnillah azza wa jalla il est à la khayr. Al-an t'as gagné. T'as gagné, t'es la cause de la guidée de ton frère. Ah, la personne il voit loin. Amma, il se renferme, il pense qu'à son nefs. Ah, là, il se fera du mal l'idden. Qala Hanbal rahmatullah alayhi, ay l'oncle de l'imam Ahmed, kama fi siyar a'lam al-nubala, qala lam yazal abu abdillah, ba'da an bari'a min al-dharb. يحضر الجمعة والجماعات ويحدث ويفتي حتى مات المعتصم. دوزيام أمير كي مور à l'époque de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed après avoir été libéré et il s'est remis de ses blessures, voilà où il restait des douleurs, لكن il pouvait marcher, il pouvait se déplacer. Il allait au masjid pour le الجمعة والجماعة et il donnait des dourous, il donnait des fatawa jusqu'à que le Mu'tasim il est mort rahimahullah. Qala wa wulli ibnuhu al-wathiq fa adhhara ma adhhara min al-mihla wal mail ila Ahmed ibn Abi Duwad wa ashabihi. Thumma celui qui a pris le pouvoir après al-Mu'tasim, al-wathiq ay le fils de al-Mu'tasim, celui qui a repris le pouvoir, il a relancé al-mihla. Lianna il était entouré كذلك de Ahmed ibn Abi Duwad al-munharif al-dhal, la même chose que son père au départ. لكن قال ثم جاء نفر الى احمد وقالوا. Après que al-Wathiq il a pris le pouvoir, un groupe de personnes ils sont venus voir l'imam Ahmed et ils lui ont dit هذا الامر قد فشى وتفاقم ونحن نخافه على اكثر من هذا. نعم, ils ont eu peur que l'imam Ahmed il se refasse emprisonné rahmatullah alayh. لان l'imam Ahmed الان il donne des dourous, il est suivi. Et l'imam Ahmed il me démontre que aqidat al-sunnah, aqidat al-muslimin, c'est le Coran, il n'est pas makhlouq. Et l'Wathiq l'an il est entouré de Ahmed ibn Abi Duwad, il a shubah al-mu'tazila, le Coran il est makhlouq. Faqafu alayhi. Ils ont eu peur pour l'imam Ahmed. que la fitna, al-mihna, elle repart à zéro. قال هذا الأمر قد فشى وتفاقم ونحن نخاف على أكثر من هذا وذكر ابن أبي دواد. نعم المنحرف. قال فمنعهم من ذلك وناظرهم وأمرهم بالصبر. Un groupe de personnes, ils sont venus voir l'imam Ahmed, qu'annahum, ils lui ont proposé de faire le khuruj, de faire tomber le waatiq, de le renverser, lui enlever le pouvoir, hatta il fait pas de mal aux muslimines, khasatan ahl al-ilm. لكن الإمام أحمد سنسني الإمام أحمد يسي أن الخروج على الحاكم المسلم لا يجوز ولو سي إفد منكر ولو إلا فلو منكر لا يجوز الخروج عليه باب النصيحة إلى معروف إلى لغة دني أن إسو عظيمة الصبر وأمرهم بالصبر إلى لغة دي منتخي باسيونتي إفغى غيان كسي الله سبحانه وتعالى إبه. Après tout ce qui s'est passé, l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, wa'ad al-nas, pourtant, ils ont le pouvoir, ils ont le qudra. L'imam Ahmed, l'an, là où il fait une fatwa, le khuruj, ala hala, et il démontre qu'annahu, il appelle à une chose grave, je vais trouver à Ahmed al-nas, ils vont faire le khuruj alayhi. Lakin, al-aqida, al-aqida. Ha'oula, al-aqiqa, leur but c'était al-din. Et ils empruntaient le chemin qui mène à ce din. Amma al-ahwa, wa al-infi'alat, والغضب في غير موضعه صامن كشر والعياذ بالله. فمن أعظم الفوائد نستفيدها من هذه السيرة من هذه المحنة الصبر على ولي الأمر. فالإكزامبل الآن ده الإمام أحمد الصبر على المأمون إلى ما إلى في الدعاء إلى ما الصبر على المعتصم إلى تتخطغ إلى تفوتي. Il a patienté hatta il a été libéré, le mu'tasim, il est mort. Il lui a fait aucun mal. Même le mal que l'imam Ahmed il a reçu, c'est fi sabilillah. Il lui a fait aucun mal à son din. Amma al-badan sah. L'imam Ahmed il a été guéri, thumma il est mort. L'essentiel c'est il est mort à la aqidat al-sunnah. Thumma al-wathiq al-an. Troisième amir. Troisième amir. Et il ordonne à ces personnes qui viennent le voir. Et il lui propose indirectement le khuruj, al-sabr, patienter. C'est le varaj. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a secouru à l'époque de l'ma'moun. Il nous a secouru à l'époque de l'mu'atasim. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit alayhi kulli shayin qadir. Hakada husnul dhan billah. Qala al-zahabi rahimahullah. Fa baynama nahnu bi ayyam al-wathiq. L'imam al-zahabi, il raconte هذه المحنة. قال إذ جاء يعقوب ليلا برسالة الأمير إسحاق بن إبراهيم وغابلي دائما لمن إسحاق بن إبراهيم إلى على فقد المأمون على فقد المعتصم الآن إلى على فقد avec le fils de المعتصم الواثق c'est un des proches toujours de l'Amir. قال إلى أبي عبد الله يقول ils ont envoyé une lettre par l'intermédiaire de إسحاق à أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الإمام. يقول أي ils ont écrit dans cette lettre إن أمير المؤمنين قد ذكرك أي أمير المؤمنين الواثق إلى منشوني الإمام أحمد. قال فلا يجتمعن إليك أحد ولا تساكني بأرض ولا مدينة أنا فيها فاذهب حيث شئت من أرض الله. الواثق الآن il va pas emprisonner l'imam Ahmed. Robama il a peur des conséquences. Tout ce qui s'est passé, ils font le khuruj alayh. Lakin il a ordonné à l'imam Ahmed de plus rassembler, de plus faire de rassemblement, masjid ou autre, de plus donner des doros. Kadarik il lui a ordonné de ne pas rester dans une terre où il y a l'amir. Changer de pays, changer de ville. Et il ne veut plus le voir. Qala Ahmed, rahmatullah alayh, qabla dhalik na'am fadhhab haythu shi'ta min ardillah. قال فاختفي أبو عبد الله بقية حياة الواثق مختفيا في البيت لا يخرج إلى صلاة ولا إلى غيرها. الإمام أحمد tout ça pour s'éloigner de la fitna et pour pas que ça fasse du mal à certains musulmans. لأن الخروج كما تعلمون الإمام أحمد il aurait pu appeler au خروج لكن أولا c'est pas مشروع والإمام أحمد c'est من أشد الناس تمسكا بالسنة à son époque. كذلك كم من دماء combien de personnes elles vont se faire tuer ou blesser via le khuruj. ربما des personnes elles vont pas patienter. Probablement des personnes elles vont être emprisonnées vers l'imam Ahmed pour éviter tout ça. Vu que le problème c'est lui, pour ce amir bien sûr, il lui a dit il ne veut plus le voir, à l'imam Ahmed il reste chez lui, il ne sort plus. Hatta jaa al-warad, ta'ammal, qala mukhtafiyan bil bayt, la yakhruj ila sala wa la ila ghayriha, hatta halak al-wathiq. Al-wathiq il est mort, kadhalik. L'imam Ahmed il est bil bayt, il ne sort plus une période, thumma al-wathiq, Allah subhanahu wa ta'ala, il reprend son âme. Troisième amir. Al-Ma'moun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. L'imam Ahmed, c'est l'imam Ahmed, rahmatullah alayh. L'imam Ahmed, al-an, bi'idnillah azza wa jal, al-Nasr, al-A'zam, il va venir pour cet imam. Qala Hanbal, rahmahullah, thumma wulliya al-mutawakkil Ja'far, le frère de Al-Wathiq, le fils de Al-Mu'tasim. Al-Ma'moun, c'est le fils de Harun al-Rashid. Al-Mu'tasim, c'est son frère. Al-Ma'moun il est mort, son frère il a pris le pouvoir, Al-Mu'tasim. Thumma Al-Mu'tasim il est mort, son fils il a pris le pouvoir, Al-Wathiq. Al-Wathiq son fils il est mort, il avait un frère, fils de Al-Mu'tasim kadhalik, Al-Mutawakkil. Al-An c'est le quatrième amir à l'époque de l'imam Ahmed. Qala thumma wulliya Al-Mutawakkil Ja'far, fa adhara Allah Sunnah, wa farraja 'an an-nas, wa kana Abu Abdillah yuhaddith ashabahu fi ayyam al-mutawakkil. Allah subhanahu wa ta'ala après cette longue épreuve les ansar an hadha al-mutawakkil su amir li 'ala as-sunnah. C'est un sunni et il va akram al-imam Ahmed et il va faciliter aux gens de la sunnah et il va plus les éprouver avec cette aqida batila li'annahu al-mutawakkil nafsuhu ila 'ala 'aqidati ahli as-sunnah wal jama'ah. Hakadha as-sabr. Wa'd an-nas al-mushkila ibal tout d'un coup. Mabalouk, l'imam Ahmed, il n'aurait pas patienté, il aurait voulu tout d'un coup. À l'époque de l'Ma'moun, il faut que. Il n'y a pas d'épreuve. Abatan, sabr. Thumma il patiente à Al-Mu'tasim. Thumma il patiente à l'époque de Al-Wathiq. Thumma fi zaman Al-Mutawakkil Al-Tamkin. Hakada Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve l'ibad. Là, t'as donc, t'arriveras à tout du premier coup. Abatan. Nahno, notre problème, ahyanan, on n'arrive pas à patienter, les anana sta'jil al-thamara. Hatta bil ilm. فالعلم لا تظن أن تجور لندما تبقى مدرس تبقى مؤلف محقق لا هذا يمكن أن يكون في الوقت الوقت الوقت يصبر يصبر الأساسيال هو الإخلاص الإمام أحمد رحمة الله عليه الآن يصبح مرة في الوقت المعتصم هل يمكن أن يكون في المال؟ أبدا الأساسيال هو على حق لكن الله سبحانه وتعالى إلا يلوفي إلا يسيبه والأمراء أن أبخي الوطخي مرة الإمام أحمد Allah subhanahu wa ta'ala il l'a élevé jiddan. Il serait mort kadhalik, il aurait été élevé jiddan. L'essentiel c'est que tu es à la haqq. On se précipite et cette précipitation elle fait qu'on manque de sabr. Thumma l'épreuve rubbana elle s'amplifie, tu n'arrives plus à tenir. Ama la personne tasbir hatta yiftah Allah. Si tu n'as pas le dessus vide dunya, tu n'es pas secouru vide dunya, bi'idnillah fil akhirah. Qala Hanbal thumma inna al-mutawakkil ذكره أي أحمد لأن المسألة والأمر هذا il est devenu عظيم. Vous avez remarqué أن الواثق quand il a pris le pouvoir il a mentionné l'imam Ahmed لأنه الآن il est مشهور il est معروف tout le monde connaît ce qui s'est passé. المتوكل الآن كذلك il cite l'imam Ahmed. قال وكتب إلى إسحاق بن إبراهيم في إخراجه إليه. دائما هذا إسحاق بن إبراهيم il est toujours présent. لكن الحمد لله الوقت المتوكل il aura aucun poids. Al-Mutawakkil, il demande à Ishaq ibn Ibrahim de rencontrer l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi. Wa qala l'imam Ahmed, qala li Ishaq, la tu'lim ahadan, anni sa'altuka anil Qur'an. Al-An, Ishaq ibn Ibrahim, il va demander à l'imam Ahmed toujours la même mas'ala sur le Qur'an. Qala l'imam Ahmed, mas'ala, ou mas'ala tu mustarjid, أو مسألة متعنت. الإمام أحمد يدمر على إسحاق هذا لبخش الأمير est-ce que tu demandes pour savoir ou tu demandes pour faire le fitna là. Toujours la même question qui revient. قال بل مسترشد. الآن إسحاق بن إبراهيم qui a participé avec المعتصم à la torture avec Ibn Abi Du'ad. الآن il demande à l'imam Ahmed il veut savoir le haq. ربما il a été touché par المناظرة. Il a chacun que l'ilm ça touche. Ou mu'anid, ou il fait apparaître annahu il t'écoute pas si tu parles bi'ilm, i'lam anna cette personne elle est touchée. La bout, l'ilm il est aqwa. Al-an il veut savoir le haqq. كذلك إسحاق بن إبراهيم إسحاق المتوكل إلى أبيك الإمام أحمد. Il sait que le mutawakkil est avec l'imam Ahmed. Et il sait qu'il ne va plus l'éprouver par rapport au Coran. فَرُبَّمَا الْآنِ إِسْحَاقُ نُبْرَهِيمُ Il veut savoir le haq, حتى يسوي الحق بهدوء. قال l'imam Ahmed, القرآن كلام الله ليس بمخلوق. عقيدة أهل السنة. قال إسحاق نبراهيم من أين قلت إنه غير مخلوق. حقيقة الرجل الآن لا ينشبه. لأن الآن يسوي الحق غمو. Et il demande à l'imam Ahmed, il n'y a que lui l'imam Ahmed. Et il dit à l'imam Ahmed, informe personne. Anna, je veux savoir le haq, montre-moi. Pourquoi tu dis le Coran, il n'est pas makhlouq. Et les autres, ils disent makhlouq. Qala, min aina qulta innahu ghayr makhlouq. Limada tu dis ghayr makhlouq. Qala al-imam Ahmad, qala Allah ta'ala, ala lahu al-khalq wal-amr. Ta'ammal hada l'istidla. Ça montre quwwat hada l'imam. Ala lahu al-khalq wal-amr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité deux choses dans l'aya. Al-khalq. Et Allah, c'est lui qui a tout créé. Wal-amr. Et il a différencié les deux biharf l'waw. Ala lahu al-khalq wal-amr. Le verset nous montre que al-khalq, c'est pas l'amr. Qala l'imam Ahmed, fa farraqa bayna al-khalq wal-amr. Et Allah Azza wa Jal. Fa qala Ishaq, al-amr makhlouq. Il a une choubha. Il a pas compris l'an, anna l'amr, amru Allah Azza wa Jal, il est pas makhlouq. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne quelque chose. Kun fa yakun. Cette parole, elle n'est pas makhlouqa. Et ça montre que le kalam, il n'est pas makhlouq. Et le Coran, c'est min kalamillah. Donc, il n'est pas makhlouq. Lakin, il n'a pas compris. Il repose une question. Est-ce que l'amr, il est makhlouq? Qala l'imam Ahmad, ya subhanallah. Makhlouq yakhlouqu khalqan. Makhlouq yakhlouqu khalqan. Lianna l'amr. Et le khalq, Allah subhanahu wa ta'ala, il a différencié. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut créer une chose, yakul kun fayakun. Ça montre que l'amr, il n'est pas makhlouq. Un makhlouq il va créer. Hakada l'imam Ahmed yaqul li Ishaq. Il a dit subhanallah, makhlouq yakhlouq khalqan. La. Al makhlouq il est créé, ou al amr c'est min kalamillah. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur et sa parole elle n'est pas créée. Li'annahu c'est une sifa du créateur azza wa jal. Qala l'imam al-Dhahabi, ya'ni innama khalaq al-ka'inat bi amrihi wa huwa qawluhu ta'ala kun fayakun. Kun c'est l'amr. كن فعل أمر أمر الله عز وجل إلى بكري هذا الآن سدليل أنت إلى قوي pour montrer أن القرآن إلى بمخلوق ألا له الخلق والأمر ça montre que Allah سبحانه وتعالى إلى كخي لكخاتر ألا له الخلق كذلك إلى الأمر الأمر إلى بمخلوق قال الإمام الذهبي نختصر ذهب الوقت قال صالح رحمه الله بعد ذلك كتب عبيد الله بن يحيى إلى أبي يخبره أن أمير المؤمنين أي المتوكل أمرني أن أكتب إليك كتابا أسألك من أمر القرآن أو عن أمر القرآن لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة وبصيرة. À son tour, Ishaq ibn Ibrahim, le bras droit du Amir, il a demandé à l'imam Ahmed, il voulait savoir le haq. L'imam Ahmed lui a démontré. Ala lahu al-khalq wal-amr. Al-an, le Amir lui-même, al-mutawakkil, il envoie une lettre par l'intermédiaire de Ubaydullah ibn Yahya. Ils envoient une lettre à l'imam Ahmed pour connaître l'aqidat al-muslimin fil Qur'an. Limada? Lianna, ils vivent à une époque où il y a des shubuhat. Khasatan bayt al-Amir, il est entouré l'an par des munharifin, mu'tazila. أحمد بن أبي دؤاد فؤال فلان فلان بشر المدريسي كذلك من رؤوس الضلال إذن خبجي سيشبه الآن سمونت خلنا هؤلاء إذن في خير يبل الحق هذا الأمير يغبي إمام أهل السنة في عصره قال صالح رحمه الله فأملى علي أبي رحمه الله إلى عبيد الله ابن يحيى بسم الله الرحمن الرحيم. L'imam Ahmed, il va dicter, il va parler et son fils Salih, il va prendre note. Thomas, il va envoyer cette lettre au Amir. Qala l'imam Ahmed, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ahsan Allahu aqibatak. Adab. Il commence awalan par bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'isti'ana. Il sait anna l'amr il est biyadillah azza wa jal wahda. Isti'in billah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kalimat isti'ana. Bismillah ay asti'in billahi azza wa jal. Ahsan Allahu aqibatak. Adab. Il fait du'a. il fait du'a à ce amir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne une bonne fin. Limada li anna amir ani bil haqq, un talib ilm, il demande ce ilm à l'imam Ahmed rahmatullah alayhi. Qala l'imam Ahmed wa qad qala Allah ta'ala wa in ahadun min al mushrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Il lui cite le premier dalil, un dalil clair, anna al Qur'an c'est kalam Allah. قد يقول قائل أين بالآية أن كلام الله هنا في القرآن؟ الجواب قوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك أي سي أمشرك دموند بخوفي صلى الله عليه وسلم أن يتخصون فوزا فأجره دنوا لا فرميسيون حتى يسمع كلام الله. لا شك أن الفوزا يبقى با أنتند الله سبحانه وتعالى بعلي جريكتما لا يبقى أنتند لبخوفي صلى الله عليه وسلم غسيت القرآن سو قرآن الله سبحانه وتعالى إلا أبلي كلام الله. هذا وجه الاستدلال. وقال الإمام أحمد قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر إبسيت الإمام دليل كلا ستاء إسحاق إبراهيم. قال فأخبر بالخلق ثم قال والأمر فأخبر أن الأمر غير الخلق. دليل قول استدلال قول الله سبحانه وتعالى إلى أنفغمي أنه celui qui crée toute chose ألا له الخلق إلى أنفغمي أن له الأمر et ce أمر il est pas créé. لهذا قال والأمر الواو إلى المغايرة في الغالب. تجي جاء محمد وزيد. زيد سبا محمد. ألا له الخلق والأمر. الأمر سبا الخلق. قال وقال عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال فأخبر تعالى أن القرآن من علمه. وغبلي ست مسألة. لماذا الإمام أحمد ديبيد المحنة على فقد المعتصم quand ils lui ont demandé sur le Coran, est-ce que le Coran il est créé? Et il leur a dit, est-ce que l'ilm il est créé? لأن العلم, le Coran il fait partie de l'ilm. علم الله عز وجل. قال عز وجل الرحمن علم القرآن. قال الإمام أحمد فالقرآن من علم الله تعالى. وفي هذه الآيات دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه. قال وفي هذه الآيات دليل أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم هو القرآن. قوله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم. بعد ما جاءك من العلم الله سبحانه وتعالى il a appelé ce Coran, cette révélation que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a reçu, علم, elle fait partie du علم, من العلم. فلهذا الإمام أحمد عند المناظرة quand il lui parle du Coran il leur dit العلم. Si vous reconnaissez que l'ilm n'est pas makhlouq, فهكذا القرآن, لأن القرآن fait partie du ilm. قال وقد روي عن غير واحد ممن مضى أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. الآن اللي غمونت خلنا منهج السلف الصحابة ومن بعدهم من أئمة الهدى إذا تتوسع على هذا القول أن القرآن سكلام الله فلم بخوا شانجي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآن لغمض أن منهج المسلمين de l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم jusqu'à ce groupe égaré المعتزلة il disait أن القرآن سكلام الله غير مخلوق. ثم جاءت المعتزلة ils ont appelé à cette bid'a. قال ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رحمه الله. ce كلام الآن هو اللي appliqué في المحنة. تذكرون quand il se faisait fouetter المعتصم lui disait يا أحمد ويحك répond l'imam Ahmed lui disait هات un verset من الكتاب أو un حديث من السنة. Il l'a appliqué, rahmatullah alayhi. Ça montre qu'un amit la hada l'imam, son kalam, il khalif pas son amal. Aqida, il l'a appliqué, rahmatullah alayhi. Fali hada l'an, il démontre à ce amir son manhaj. Qal wa la ara le kalam fi shay min hada. Aïdan, aqida. Faqaddam ma'ana fil qa'id mutla, anna la asma wa sifat, c'est tawqifi. Qal Allah, qal al rasul. Qal wa la ara le kalam fi shay min hada, illa ma kana fi kitab illah. Celui qui parle via des mas'ala avec des versets du Coran. Ou hadith an al-Nabi alayhi salatu wa salam. Et vous avez remarqué, ce bayan qu'il a fait au Amir, il a cité trois versets. وإن أحد من المشركين من سورة التوبة ألا له الخلق الأمر سورة الأعراف الرحمن علم القرآن سورة الرحمن il n'a pas emmené kalam min indi c'est hakata il montre au amir il le conseille al annahu c'est un sunni al aqida il la comprend avec le Coran ou le sunna pas fulan il a dit allan il pense abadan qala rahimahullah aw an al tabi'in rahimahumullah il ijma' al salaf qala fa amma ghayr dhalik fa inna al kalam fihi ghayr mahmud hakata il montre au amir amma autre que al kitab ou le sunna ou le manhaj al-salaf, c'est pas Mahmoud. Bel, c'est une porte d'égarement. On a cité le verset. هذا ما يتعلق بهذه المحنة. حقيقة on اختصر. Celui qui veut les détails, il revient à Tariq al-Islam, l'imam al-Dhahabi, ou Siyar al-Alam al-Nubala, l'imam al-Dhahabi, كذلك. رسالة de Salih ibn Ahmed, رحمة الله عليه, للطيبة. كذلك يا المعاصرين ils ont résumé celui qui veut les références فهذه tout ça يا إخوان ça nous montre أهمية دراسة هذه العقيدة ça nous montre l'importance d'étudier cette عقيدة الإمام أحمد رحمة الله عليه الآن dans cette épreuve qu'il a vécu qu'il a subi بعد الله عز وجل ce qui lui a été étudié c'est cette عقيدة il était à la علم et il était à la ثبات فأنت لا شك تبقى تبخبي في مالك في أولادك في بدنك في دينك على solution بعد الاستعانة بالله عز وجل ست عقيدة et une دراسة بمعنى الكلمة دراسة العقيدة c'est pas هكذا tu lis une partie d'un livre tu finis pas ثم تنتقل à un autre livre ثم tu reviens pas au أصول tu lis des livres tu sais pas c'est qui a écrit c'est pas ça دراسة Rasat al-Aqida, c'est apprendre inda ahl al-ilm, si tu peux. Si tu ne peux pas directement par l'intermédiaire, livre, par des audios, tu as un problème, tu demandes. Kadalik bit-tartib, l'ordre. Kadalik turakkiz ala al-hifd. Vous avez remarqué que l'imam Ahmed, il a un hifd qawi jiddan. Il était enchaîné, en train de se faire torturer, et il arrive à citer des adillah. Min ayn hada. Et c'est fort qu'il a fait. Fait talab al-ilm. Tu n'auras pas toujours le livre avec toi. هذا مهم جدا مهم جدا السلوي كي يحفظ مثل الواسطية في هذا الباب يسوق على خير دي حديث مختصرة صحيحة دي فيرس إن شاء الله شك مسألة لبازي سوق قرآن والسنة كما ينوزا ديمونتخي الإمام أحمد إما أن فيرس دي قرآن إما حديث دي بروفيت عليه الصلاة والسلام tout ça avec la compréhension des salaf هذا لا يكون إلا بالحفظ إلا بالحب تغى با توجور لو ليفر avec toi فالعناية بهذه العقيدة ونحن ولله الحمد on a étudié plusieurs livres فالنصيحة للإخوان المراجعة كذلك تختصر المسائل تختصر بغبواب c'est مهم تختصر مثلا مسألة القرآن on a vu plusieurs livres في الواسطية on l'a vu في الطعاوية on l'a vu في اللمعة dans plusieurs livres أنت تختصر t'as un دفتر et تختصر المسائل C'est quoi le Coran? C'est quoi le délit min al-Qur'an? Que le Coran c'est la parole d'Allah. C'est quoi le délit min al-Sunnah? T'arrives à trouver la parole d'un imam al-Ijma'. T'arrives à répondre aux shubuhat comme il a répondu l'imam Ahmed. Quand il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils ont dit à l'imam Ahmed, Allahu khaliqu kulli shay. Allah il a tout créé. Le Coran il est créé. Parce que le Coran c'est une chose. Anta avec ce ilm que tu sais comment répondre. Hada, c'est ça l'ilm, ya jama'a. L'ilm c'est pas le hudur, faqat. العلم c'est pas avoir une bonne niya فقط لا النيا c'est من أهم ما يكون لكن les efforts خاصة الحب et المراجعة الحب t'arrivera à te rappeler des preuves المراجعة t'arrivera à comprendre les مسائل فلا بد أما بعض الإخوان il lit une رسالة أو il étudie une رسالة ثم il appose chez lui لا حب ولا مراجعة une simple question qu'il a vue dans le cours واحد ربما إلى إشكال يلبوز il sait pas alors qu'il a pas d'excuse لأنه il a refait أو il se rappelle plus du dalil لماذا لأنه il avait un ضعف في المراجعة mettez vos forces في هذا si tu te retrouves ضيق t'as pas beaucoup de temps t'es مشغول mettez force dans العقيدة c'est l'أصل et c'est l'أهم كذلك العناية بسيرة السلف كم الآن من فوائد l'histoire, l'épreuve que l'imam Ahmed il a subi, comme une fawaïd on a pu retirer, wallillahi alham. Ma balouk, si tu étudies la sira de l'imam Bukhari, la sira de Soufiane al-Thawri, la sira de qabla dhalik, de Abu Bakr al-Siddiq, de Omar ibn al-Khattab, qabla dhalik, la sira du prophète alayhi salatu wassalam. لأنك أنت un sunni, t'es un salafi, ton modèle c'est haoula. Ton modèle c'est haoula. Tu suis un salaf al-salih. Tu ne peux pas suivre une personne sans connaître son hal. Tu ne peux pas. Tu vas suivre quoi si tu ne le connais pas? L'Anna, il n'est pas en face de toi. L'Anna, tu suis illa bima alimta'an. Tu sais maintenant qu'il faisait telle chose, tu sais qu'il croyait telle chose, tu sais qu'il a appelé à telle chose. En étudiant sa biographie, idnillah, tu essayes de suivre. Hada, c'est muhim. Amma ma yata'allak bil munadara. Fil haqiqa, al munadara, elle était atwal. Aïe, mon adhara entre l'imam Ahmed et ceux qui l'ont contredit, vu mes alat khalq al-Qur'an, lakin, muta'ammidin, on a khtasar, on a cité quelques passages, muhimma. Et bien, idnillah, هناك un kitab, jamil, jiddan, kitab al-Hida, li Abdelaziz al-Kinnani, rahmatullah alayh. Kadhalik, il a eu une épreuve, il était à l'époque de l'Ma'moun. Il était à l'époque de l'Ma'moun, na'am. Il n'a pas été torturé. Il n'a pas été emprisonné, lakin huwa, il a demandé à faire un munadara à ceux qui disent que le Coran il est makhlouq, en présence du Amir, avec la présence du Amir, al-Ma'mun. Et ils lui ont accordé dhalik, et il a eu une munadara avec Ra's min Ru'us al-Shar, Bishr ibn Ghiyath al-Madrisi, alayhi min Allah ma yastahiq al-Khabib. Et inshaAllah, on la lira. Anna, j'ai le livre. Inch'Allah, on la lira. Il rentre dans les détails. Et vous allez voir que ça ressemble beaucoup à la munadarat al-Imam Ahmed. Ça ressemble beaucoup à Adib. C'est normal. L'aqida est wahida. Et le shubha, c'est les mêmes. Et la réponse, c'est la même. Et vous allez voir que Adib, comme le kalam, il est proche. Inch'Allah, on essaiera de faire ça dès qu'on a fini al-Hamawiyya. On est à la fin. D'ici quelques jours, 4-5 jours, bi'idhnillah, et on enchaîne avec la lecture des passages. Hatta bi'idhnillah azza wa jal, on est à la ilm akhtar fi hadhihi al-mas'ala al-muhimma, anna al-Qur'an c'est kalamullah. Naktafi bi'hada, wa nas'allah subhanahu wa ta'ala, an yarham al-imam Ahmed ibn Hanbal, wa an yuwaffiqana li ma yuhibbuhu wa yardahu, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Al-hadar min al-rukun ila al-zalama min shi'ah aw hizbiyyin, la tarkan ilayhim, haula ith'abi.